Bon, ahora tenemos que aprender a utilizar el verbo tener. Maintenant, nous devons apprendre à utiliser le verbe tener, qui signifie, lorsqu'il est utilisé seul, avoir, posséder. Comme vous le savez, tener que signifie devoir, hein, comme dans tengo que salir, je dois sortir. Vous pouvez aussi utiliser deber, comme dans debo estudiar, je dois étudier. Deber implique surtout que l'obligation en question est d'ordre moral. On sous-entend alors je dois vraiment étudier, hein, car ma conscience m'y oblige. Toutefois, on emploie souvent l'un pour l'autre. En utilisant tener que, comment diriez-vous? Nous devons étudier beaucoup. Très bien. Tenemos que estudiar mucho. Et comment dites-vous? Nous devons arriver tôt. Tenemos que llegar temprano. Tenemos que llegar temprano. Nous venons d'apprendre les expressions avec « hacer » pour indiquer les temps qu'il fait, comme « hace frío », il fait froid. Pour dire « j'ai froid » ou « j'ai chaud », on utilisera comme en français le verbe « avoir », c'est-à-dire « tener ». Donc, si « fenêtre » se dit « ventana », V-E-N-T-A-N-A, et « fermé », « cerrar », V-E-2-R-A-R, comment direz-vous à une personne que vous voyez « j'ai froid » Vous pouvez fermer la fenêtre. Tengo frío. ¿Puede cerrar la ventana? Tengo frío. ¿Puede cerrar la ventana? Notez qu'au début de ventana, V-E-N-T-A-N-A, il y a le mot vent, hein, viento. En effet, une fenêtre, una ventana, sert en partie à protéger du vent. Si donc, par conséquent, se dit por lo tanto, hein, et s'écrit en trois mots, por, P-O-R, puis lo, L-O, et tanto, T-A-N-T-O, comment traduirez-vous, en utilisant le temps des longueurs et le passé sans plongeoir, nous avions froid, donc nous avons fermé la fenêtre. Commencez par dire nous avions froid. Teníamos frío. Teníamos frío. Donc, nous avons fermé la fenêtre. Por lo tanto, cerramos la ventana. Por lo tanto, cerramos la ventana. Faites attention. Por lo tanto signifie toujours donc, par conséquent, et jamais pourtant. Dites la phrase d'une traite maintenant. Nous avions froid, donc nous avons fermé la fenêtre. Très bien. Teníamos frío, por lo tanto cerramos la ventana. En utilisant abrir, A-B-R-I-R, que l'on a déjà vu pour ouvrir, et tener calor, C-A-L-O-R, pour avoir chaud, comment me traduiriez-vous « nous avions chaud » Donc, nous avons ouvert la fenêtre. Teníamos calor, por lo tanto, abrimos la ventana. Teníamos calor, por lo tanto, abrimos la ventana. Maintenant, si soif se dit sed, S-E-D, et faim, hambre, H-A-M-B-R-E, comment diriez-vous? Tu as soif, Roberto? Tu as faim? ¿Tienes sed, Roberto? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed, Roberto? ¿Tienes hambre? Et une autre chose, faites bien attention à prononcer hambre, car si votre langue fourche et vous dites hombre, votre question signifiera tu as un homme? Bon, dites-vous bien que si vous commettez cette erreur, vous ne la ferez pas deux fois. La réaction de votre interlocuteur vous marquera sûrement. Dis-moi maintenant, j'ai faim. Tout à fait, tengo hambre. Maintenant, si chance se dit suerte, S-U-E-R-T-E, comment diriez-vous il a de la chance? Tiene suerte. Tiene suerte. Avez-vous pensé à ne pas traduire de là en espagnol? Ces deux mots désignent quelque chose que l'on ne peut pas compter. On ne les utilise donc pas en espagnol. Comment direz-vous maintenant « nous n'avons pas de chance »? No tenemos suerte. J'espère que ce n'est pas vrai. No tenemos suerte. Ici aussi, il ne fallait pas traduire « de ». Peur se dit « miedo ». M-I-E-D-O. Donc, comment diriez-vous « nous avons peur »? Tenemos miedo. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Tenemos miedo. Voici maintenant une expression un peu différente. Faire attention se dit tener cuidado. C-U-I-T-A-D-O. Littéralement, avoir attention. Donc, comment diriez-vous en utilisant conducir, qui est un verbe cusco, je fais attention quand je conduis. Tengo cuidado cuando conduzco. Tengo cuidado cuando conduzco. En Amérique latine, conduire se dit manejar. M-A-N-E-J-A-R. Manejar est un verbe discipliné. Donc, on aura tengo cuidado cuando manejo. Et si vous êtes passager et vous voyez un quelconque danger, dites cuidado. Attention. Lorsque l'on a envie de dormir, on dit tengo sueño en espagnol. Sueño, S-U-E-N avec tilde O, signifie aussi rêve. Dis-moi alors, Roberto avait sommeil. Roberto tenía sueño. Roberto tenía sueño. En espagnol, on utilise aussi tener prisa pour dire être pressé. Prisa s'écrit P-R-I-S-A. Donc, comment diriez-vous « ils sont pressés » ? Bravo ! Tienen prisa. Donc, comment diriez-vous « j'ai sommeil et je suis pressé d'arriver chez moi » ? Notez que « d'arriver chez moi » se dit « por llegar a casa ». Tengo sueño y tengo prisa por llegar a casa. Tengo sueño y tengo prisa por llegar a casa. Notez bien l'utilisation de por après tengo prisa. Tengo prisa por llegar a casa. Je suis pressé d'arriver chez moi. Remarquez aussi que l'idée de chez est souvent rendue par casa en espagnol. On va chez toi. Vamos a tu casa. Il est chez lui. Está en casa. Et pour avoir raison, on utilise tener. Comme en français cette fois-ci. Tener razón, R-A-Z ou accent aigu N, avoir raison, ou no tener razón, ne pas avoir raison. Il n'est pas vraiment difficile de se souvenir de razón. Ce mot est assez proche de raison. Donc, comment diriez-vous? Il a raison, j'ai sommeil. Tiene razón, tengo sueño. Tiene razón, tengo sueño. Roberto, tu peux nous répéter cette phrase, s'il te plaît? Tiene razón, tengo sueño. Roberto étant d'Amérique latine, il prononce le Z comme un S. Traduisez-moi maintenant, je suis désolé, mais vous n'avez pas raison. Lo siento, pero no tiene razón. Lo siento, pero no tiene razón. Roberto, tu peux nous dire cette phrase, s'il te plaît? Lo siento, pero no tiene razón. En Espagne, on dit razón. Et en Amérique latine? Razón. Voici une autre expression bien utile. Tener ganas de, qui signifie avoir envie de. Comment s'écrit selon vous ganas? C'est bien sûr G-A-N-A-S, comme le mot se prononce. Donc, comment diriez-vous? J'ai envie de manger une pizza. Tengo ganas de comer una pizza. Tengo ganas de comer una pizza. Vous avez sûrement deviné le mot pour pizza. Comme le disait Michel Thomas, vous pouvez toujours essayer de deviner les mots. Surtout lorsqu'ils sont d'origine étrangère, comme ici, pizza. Mais n'essayez jamais de deviner la structure d'une phrase. D'accord?